بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. Par le soleil et sa lumière, par la lune quand elle le suit, par le jour quand il éclaire, par la nuit quand elle répand l'obscurité, par le ciel tel qu'édifié, par la terre tel qu'étendue. Par l'âme telle qu'équilibrée et dotée de la faculté de discerner entre perversion et piété, et bienheureux qui la purifie, et grand perdant qui la pervertit. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Ce fut le cas du peuple de Thamoud qui a renié par arrogance lorsque le plus malheureux parmi eux s'élança pour abattre la chamelle, alors que l'envoyé d'Allah leur avait dit: voici la chamelle du miracle divin, respecte le jour de son abreuvage. Ils le traitèrent d'imposteur et abattirent la chamelle. Allah les anéantit alors tous. Et ils n'en redoutent guère les conséquences.